Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه. في هذا الفصل رحمه الله الإمام ابن القيم لا اكسبليكي dans ce fasl, toujours ma yata'allaq bi al-hijra. Wa taqaddam ma'ana, dans les cours précédents, on a vu que هذه الهجرة تنقسم إلى قسمين. La hijra, elle est de deux catégories, deux types. Al-hijratu bil-qalb, avec le cœur. Ou al-hijratu bil-badan, avec le corps, le fait de se déplacer. Al-mu'allif, rahimahullah, fi hadha al-kitab, il détaille et il explique al-hijratu bil-qalb, la hijra, avec le cœur. فقال هنا وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه. Cette hijra, tu pourras la faire beaucoup plus facilement si هذا الداعي, أي داعي المحبة, il est قوي. أي si dans ton cœur محبة الله سبحانه وتعالى elle est très très forte. Aïe, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala falamma kana da'i al-mahabba fi qalbi al-abd aqwa, kanat hadhihi al-hijra aqwa wa atam wa akmal. Quand hadhihi al-mahabba, elle est qawiyya, quand l'insan dans son cœur, il ressent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et il fait les causes pour acquérir cet amour, فبإذن الله عز وجل هذه الهجرة القلبية أي cette hijra du cœur, délaisser les interdits et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera beaucoup plus simple. الهجرة تحتاج إلى تقوية المحبة في القلب كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. Et هذا c'est valable pour هجرة القلب, كذلك c'est valable pour هجرة البدن. C'est également le cas pour celui qui veut accomplir la hijra لله سبحانه وتعالى. Que ce soit délaisser les ma'asi, que ce soit délaisser le shirk, que ce soit délaisser les innovations, et كذلك que ce soit délaisser بلاد الكفر et faire la hijra pour Allah سبحانه وتعالى et se déplacer dans un pays musulman. قال فلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة. فصلنا ومدخلنا الهجرة la base c'est بالقلب comme on a vu ensemble précédemment. فplus المحبة cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de son livre et de son dîn, de sa religion, plus cet amour il faiblit, plus هذه الهجرة كذلك الفبلغة. L'insan, il aura beaucoup de mal à délaisser pour Allah. Il aura beaucoup de mal à accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. Et cette situation, elle est très très grave. Ce cœur, il est malade. Ce cœur qui ne ressent pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou il a des faiblesses. فربما لا يكاد يشعر بها علما. Peut-être qu'il ne pensera même plus à cette hijra, la hijra du cœur. Et même babi awla, la hijra du corps. فبعض الناس, tellement qu'ils se sont éloignés du din, tellement, iyadam billah, qu'ils suivent leur passion, et ils sont tombés dans le haram, bel anwa' min al-haram, et beaucoup de ma'asi, ils ne pensent même plus à délaisser certaines choses, et à accomplir certaines choses. قال ابن القيم رحمه الله ولا يتحرك بها إرادة. Même cette volonté, une simple pensée, certains, ils n'ont plus هذه النعمة العظيمة. C'est une نعمة, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala de vouloir faire le bien. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir l'intention de délaisser le mal, les péchés ou autres. فالإنسان يحذر. Et هذه المحبة لها أسباب. On les a étudiés ensemble. Walillahilhamd, dans une kalima, comment acquérir l'amour d'Allah, كيف تجلب محبه الله سبحانه وتعالى. On avait cité plusieurs aspects. والامام ابن القيم رحمه الله لخصها, il a résumé ces causes في كتابه مدارج السالكين في باب منزلة المحبة. فقال رحمه الله: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة. Donc dans ce livre مدارج السالكين il a cité 10 causes. La première, قال: قراءة القرآن والتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كالتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد إلى آخره. La première cause, c'est la lecture du Coran. لكن تأمل هذا الوصف لهذه القراءة. C'est pas une simple lecture avec la langue. لا, قال رحمه الله: قراءة القرآن بالتدبر. En méditant sur les versets. قال: والتفهم لمعانيه. Et bien sûr, pour cela, il faut avoir la langue arabe. Il faut comprendre la langue arabe. Donc, min asbabi mahabbatillahi azza wa jal, c'est de lire le Coran, d'étudier le Coran, son explication, ses sens. Hada la shak annahu, ça va faire augmenter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur de ce serviteur. Et nastafid min hada, on doit faire des efforts dans la langue arabe pour comprendre hada le Coran, les traductions des sens. C'est utile au départ, lakin celui qui veut faire plus d'efforts et comprendre hadhihi al-kunuz ay hadha al-Qur'an al-'azim, il doit forcément faire des efforts dans la langue arabe. La deuxième cause, at-taqarrub ila Allah bin-nawafil ba'da al-fara'id. At-taqarrub ila Allah bin-nawafil ba'da al-fara'id. كذلك faire des efforts pour accomplir les obligations, bien sûr, et kadalik, faire des efforts pour faire les actes recommandés. كما قال عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc, une des principales causes pour qu'Allah il aime l'abd, c'est que ce serviteur, il fasse les obligations. Et كذلك, qu'il fasse des efforts pour faire des nawafil, et des adorations recommandées. الثالث, دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل. كذلك, faire beaucoup d'efforts في الذكر, le rappel d'Allah سبحانه وتعالى, que ce soit avec la langue, que ce soit avec le cœur, ou que ce soit avec les membres. Enfin, on fait attention. C'est exactement la même remarque qu'on avait fait قراءة القرآن. On fait attention de ne pas réciter l'adhkar avec la langue sans faire d'effort pour comprendre. Kadalik, sans mettre en application. Ça devient un automatisme. Après salat, quand on se lève, quand on veut dormir, adhkar al-sabah ou al-masa. هذه الأذكار لها معاني عظيمة. بعض العلماء, ils ont écrit des livres في هذا pour les expliquer, pour les commenter. On doit faire des efforts. Et هذا لا شك أن ça fait monter. هذه المحبة. Ça augmente plutôt هذه المحبة في قلب المؤمن. Quatrième cause, قال: إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. كذلك أن الإنسان, et ça c'est من الهجرة, أن الإنسان doit délaisser les passions. Quand une chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste, لكن notre cœur il est attiré par cette chose à cause de nos passions, à cause de shaitan, on doit faire des efforts pour la délaisser. Si on la délaisse, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide et il nous aime et il nous fait augmenter هذه المحبة في قلوبنا. قال الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته عز وجل. Et ça c'est من أعظم الأسباب. Connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك ses attributs عز وجل. لأن العبد المؤمن, s'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ih, مثلاً Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Rahim, c'est le Ghafour, c'est Ar-Ra'ouf, c'est le Karim, c'est le Mannan, Azza wa Jal, tous ces noms, avec هذه المعاني العظيمة, ça va faire augmenter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. لماذا؟ لأن si tu connais vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, forcément tu l'aimeras. كما أخبر الإمام ابن القيم رحمه الله. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, il l'aimera forcément. La sixième cause, mushahadatu birrihi wa ihsanihi wa ala'ihi wa ni'amihi al-batina wa al-zahira. C'est-à-dire le fait de reconnaître et de méditer sur tous les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala est à donner. L'être humain, il a été créé hakada, il aime celui qui lui donne. Alladhi yukrimu wa yarhamu. L'être humain, il l'aime. Il a été créé hakada. Dans notre nature, on est comme ça. Fata'ammal an Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé ila l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, kam min ni'am, tu en profites matin et soir, jour et nuit. Wa ma bikum min ni'matin amin Allah. Hada la shak annahu, ça fait monter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du mu'min. Un être humain, s'il te donne quelque chose et te rend service quelque chose, tu n'oublieras pas. Khasatan celui qui est reconnaissant. Tu n'oublieras pas et ça va faire monter mahabbatu hada al-'abd dans ton cœur. Tu vas l'aimer. Et maintenant, li annahu ittada, s'il t'aide ou il te donne une chose, c'est qu'il veut ton bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a tout donné. Même cet être humain qui te donne une chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cet être humain et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété anna fulan, il te donne. Fal fadlu a'idun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les bienfaits, ça vient d'Allah azza wa jal. Hadihi, c'est la sixième. La septième cause, قال wa huwa min a'jabiha inkisar al-qalb بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. صحيح أن الإنسان كما قال وهو من أعجبه نعم انكسار القلب بكليته بين يدي الله. ليس كأحيانا tu prends du temps pour تتأمل وتتفكر et هذا القلب se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et tu espères des choses, tu demandes des choses, tu crains certaines choses. Tout ça, ça va faire augmenter cet amour dans ton cœur. Et ce qui contredit hada, c'est le ghafla, c'est l'insouciance. Et ce qui contredit hada, ou la cause qui nous fait oublier cette cause, c'est la dunya. L'insan, il est toujours occupé, il n'a jamais du temps. Du matin au soir, la ilm, wa la ta'abud, wa la tafakkur. Hada, c'est très très grave. Si on ne prend pas du temps pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'évoquer avec notre langue, avec notre cœur, avec nos membres. Voilà, ça pousse l'insan à oublier, à tomber fil refla. Et si on tombe fil refla, dans l'insouciance, le cœur est durci et cet amour il diminue. Et yadam billah, il peut disparaître, comme huwa hal al-kafirin, annahu ils aiment que ce qui est lié à leur corps, à leur shahawat, à leur passion, à leur désir. Yadam billah, fa halaku wa dhallu. La huitième cause, الخلو به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية. Ça ressemble à la septième cause, c'est pour ça qu'il l'a cité juste après, lakin la huitième elle est plus spécifique. الخلو, الخلو c'est s'isoler. في وقت النزول الإلهي, prendre du temps. Et بينك وبين الله عز وجل, tu n'as pas besoin d'informer les autres, tu n'as pas besoin de te montrer. Ce moment, عند النزول الإلهي, quand Allah subhanahu wa ta'ala il descend au premier ciel, كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في آخر ثلث الليل, من كل ليلة, chaque nuit Allah subhanahu wa ta'ala il descend, ويقول من يدعوني فأستجيب له. الحديث il est في الصحيح. أنت à ce moment, هذه الخلوة il est réservé à الدعاء, كذلك à la lecture du Coran, كذلك العبادة من صلاة etc. لا شك أن الإنسان va ressentir que son cœur il revit, si son cœur il était malade ou mort, ou il va ressentir que son cœur ولله الحمد تزداد فيه المحبة, l'amour d'Allah سبحانه وتعالى augmentera dans ce cœur. لماذا؟ Vous avez remarqué que toutes ces causes c'est exactement l'opposé de l'insouciance. لأن l'insouciance elle refle oublier et penser qu'à dunya, c'est parmi une des plus grandes causes. Anna l'insan, sa foi, elle descend. Et son amour d'Allah, Azza wa Jal, كذلك. قال التاسع مجالسة المحبين الصادقين. La neuvième cause, fréquenter ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Limada, les anna'a'oula, ils vont te rappeler les choses et les causes qui font augmenter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ha'oula, ils vont te rappeler et ils vont te conseiller si tu fais une chose qui contredit cet amour ou qui le fait diminuer. La dixième cause et la dernière, muba'adatu, muba'adatu, kulli sababin yahoul bayna al-qalb wa bayna Allah azza wa jal. Cette dixième cause, elle est globale. Aïe, s'écarter de tout ce qui fera du mal à cet amour. Imma il annulera, yadam billah, imma il le diminuera. Et, hada, c'est wadih, c'est ma'ruf. Les péchés, bel, les grands péchés, bel, ce qui fait sortir de l'islam, yadam billah, comme le shirk, comme le kufr, la mécréance. Kadalik, les grands péchés. Kadalik, les péchés. Kadalik, les innovations. Kadalik, l'insouciance, comme on l'a cité. Kadalik, l'injustice. Kadalik, ad-dunya, ne penser qu'à ad-dunya et oublier l'au-delà, tout ça, c'est une cause pour que cet amour y diminue. Enfin, si tu as compris ces 10 causes, wa raji'a fi madarij as-salikin, falhamdulillah, ça va t'aider à faire augmenter cet amour et tu auras beaucoup plus de facilité à appliquer les deux hijras. La hijra du cœur, délaisser les péchés, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala, seul lui obéir. Et kadhalik, la hijra du corps, délaisser les endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste pour émigrer, pour se déplacer vers une terre que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah. وَالَّذِي يُقْضَى مِنْهُ الْعَجَبُ أَنَّ الْمَرْأَ يُوَسِّعَ الْكَلَامُ وَيُفَرِّعَ الْمَسَائِلَ فِي الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. هذا سان كلام جميل. Ça nous montre qu'on doit دائما faire attention de ne pas mélanger les choses. On doit faire attention de دائما commencer par la priorité, par le principal. فابن القيم رحمه الله هنا نبه أن من العجب أن المرء يوسع الكلام. Et parmi les choses étonnantes, c'est que certaines personnes, elles parlent beaucoup de la hijra avec le corps, et délaisser bilad kufr ila bilad l'islam, et ils négligent la hijra du cœur. Et ça a comme conséquence, en général, haoula, كذلك la hijra du corps, et le fait de se déplacer, le fait de délaisser tel endroit, à force de beaucoup parler, de trop parler, sans mettre en application, au final, ils ne font pas cette hijra. Ne pas comprendre min hadha al-kalam an-nabis an parler de la hijra, de laisser bilal kufr et se conseiller via hadha, annahu c'est pas permis ou c'est déconseillé. Là, bal c'est une ibad azima. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la hijra. Bal kathir min al-anbiya, ils ont fait la hijra. Comme Moussa alayhi salatu salam ou Ibrahim alayhi salatu salam ou kathir. Na'am, lakin قصد ومراد المؤلف رحمه الله c'est de ne pas trop parler et sans avoir l'intention d'agir. Et parmi les choses qui vont nous aider à agir, قال وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا, أي أن بعض الناس ils parlent de الهجرة alors qu'ils ne sont pas concernés. مثلا trop parler dans cette masala. Et pourquoi, comment il a akhir et se poser des questions inutiles alors que l'insan il vit déjà dans un pays musulman. Alhamdulillah, si tu vis dans un pays musulman, si tu parles de la hijra, parle-en pour conseiller tes frères qui vivent dans le kufr. Et hala, c'est très très important. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, il t'a ouvert les portes, n'oublie pas tes frères. On n'a pas tous la même capacité, on n'a pas tous les mêmes moyens. On n'a pas tous la même foi, on n'a pas tous le même amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, certains de nos frères, ils ont des faiblesses, on doit les aider. Walaw bil kalimati tayyiba. Walaw avec une bonne parole, un conseil. Ou ton vécu, ton expérience, les choses à éviter. Les annakanta, tu es passé par là. Et on s'entraide entre nous. Comme قال الله عز وجل wa ta'awanu ala al birri wa taqwa. Donc on doit faire attention. Anna, ne pas prendre les autres de haut. Et l'insan, khalas, il a réussi la hijra et il critique ses frères, leilan wa naharan, il les accuse pourquoi ils n'ont pas fait. peut-être tu as réussi. Combien de temps tu as mis pour réussir? Toi aussi, à un moment donné, tu ne l'avais pas fait. Et d'autres frères, ils l'avaient fait. Et ils ont patienté, ma'ak. Va patiente avec tes frères. Amma, la base de tout cela, comme taqaddam ma'ana, c'est la hijra du cœur. Et c'est ça, le qasd et al-murad. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il voulait montrer cela. Concentre-toi sur le principal et la deuxième hijra, elle viendra bi'innillahi azza wa jal. Amma, se concentrer que sur la hijra du corps et oublier notre cœur, peut-être que même si on l'a fait, on ne patientera pas. Peut-être même que si on l'a fait, on aura un problème dans l'intention. Et la hijra, c'est une ibadah azima. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. C'est pour ça qu'il nous l'a ordonné. Enfin, on doit la faire comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné. Ay lillah azza wa jal wahda. Que pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال والله المستعان وبه التوفيق لا إله غيره ولا رب سواه فرحمة الله عليه نعم أما هذه الهجرة التي هي واجبة أي pour tout le monde. أما la hijra, le fait de délaisser un bilad kufr et la bilad l'islam, elle est que pour certains musulmans. Tous les musulmans qui vivent dans un pays musulman, ils sont pas concernés. Les malades, il y en a qui vivent dans un pays musulman. On parle de la hijra min bilad al-kufr ila bilad al-islam. Na'am. كذلك بعض المسلمين qui vivent dans le kufr, ils sont pas concernés. Ils ont pas les capacités, ils ont pas les moyens, etc. Donc tu trouves que ceux qui sont concernés par cette hijra, ils sont beaucoup moins nombreux que ceux qui sont concernés par la hijra avec le cœur. لهذا قال وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة. Cette hijra, on en a besoin et on doit la faire, on doit l'accomplir دائما وأبدا jour et nuit, matin et soir. دائما, tu dois délaisser les péchés, tu dois toujours délaisser l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois toujours placer ta confiance en Allah subhanahu. Et c'est ça, هذه الهجرة. قال وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له. الله سبحانه وتعالى nous a créé pour un but عظيم. الله سبحانه وتعالى nous a pas créé هملا وسودا أي sans aucun objectif. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Celui qui reconnaît et qui connaît le but de sa création et pourquoi Allah عز وجل l'a créé, il fera daiman les causes qui vont lui faciliter cette hijra. Et délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste pour appliquer ce que Allah il aime. Délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer Allah azza wa jal seul. Allah il nous a créé que pour cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que pour qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a créé que pour cela. Donc c'est ça la base. Amma, autre chose, c'est pour préparer cette ibad. Amma, si on délaisse cette adoration pour se consacrer à autre chose, et cette adoration, ça devient imma un plus, imma quand on a le temps, là c'est très très grave. C'est pour ça que Wa'ad al-Nas, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala quand ils ont un peu de temps. Quand ils ont plus de temps, ils ne l'adorent plus, iyadam billah. Là c'est très très grave, alors qu'on a été créé que pour cela. Bah, normalement, notre vie, on doit la fonder sur hadhihi al-ibada, sans négliger de dunya. Ahl-sunna wa'l-lahi al-hamd, c'est pas des sauvis. Là, c'est pas des chrétiens, walillahi alhamd, c'est des ahl sunnah, mu'minoun, muslimoun. Lakin, ils ont un objectif clair, c'est l'au-delà. Et, sans se priver, bien sûr, du halal, lakin, tant que ça nous éloigne pas de cet objectif. قال, وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته. Al-basira, c'est l'ilm. Celui qui s'éloigne du ilm, il s'éloignera de l'adoration. L'imad al-anahu, c'est lié. Plus l'insan a du ilm, plus il doit mettre en application. Et plus il s'éloigne de l'adoration, en général, il s'éloignera du ilm. On parle bien sûr de l'ilm qui est fondé sur la sincérité et l'intention, c'est de mettre en application. واحد qui veut se montrer, il peut faire des efforts dans l'apprentissage que pour se montrer, لكن les conséquences, c'est qu'il ne mettra pas en application. Et ça, c'est très très grave. Donc, al-basira huna, c'est al-ilm, lillah azza wa jal, et le but, c'est de mettre en application. وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. قال والله المستعان وبه التوفيق. Et هذا c'est un adab azim. Après avoir cité ses causes et pourquoi certaines personnes ont du mal à accomplir cette hijra et pourquoi d'autres ils y arrivent. Rahimahullah. قال والله المستعان وبه التوفيق. On doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala. فالأمر بيده عز وجل. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite toutes tes affaires. فهذا الكلام النفيس نستفيد منه أن الأصل هو إصلاح القلب. Ce فصل et le précédent, كذلك, ces deux chapitres qu'on a lus hier et aujourd'hui, تستفيد, tu retires une leçon très très profitable. أن الأصل c'est إصلاح القلب. La base c'est de purifier ton cœur. Et d'éduquer ce cœur avec l'ilm, avec l'aqida sahiha, avec la croyance authentique, avec la science. Ce cœur, si il est purifié, il est éduqué, il te poussera à tout le bien. Islahul qalb bil ilm wa du'a kadhalik. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui purifie ton cœur, qui guide ton cœur. Si ton cœur il est guidé, tout... Tous tes membres y suivront بإذن الله كما تقدم. وأن الإكثار عن الكلام في باب الهجرة بدون عناية بالأصل ça nous fait beaucoup de mal. Trop parler في هذا, se poser trop de questions. Vous avez remarqué que حينًا on a beaucoup de questions في الهجرة et certaines questions ربما elles sont pas utiles ou certaines questions la réponse elle est claire. Se poser trop de questions, ça nous ralentira fi al-amal, dans la mise en application. Al-amr il est wadih. La hijra c'est clair. Cette adoration elle est claire. Et à notre époque, walillahi alhamd, c'est encore plus clair pour la plupart de ceux qui veulent faire la hijra. Ay an appliquer son din fi bilad al-kufr, en terre de mécréante, c'est très très compliqué. Et on l'a vu, walillahi alhamd, khassatan ces dernières années. أنهم يقاتلون الإسلام والمسلمين de plus en plus clairement. C'est clair. À une certaine époque, c'était moins direct. أما الآن, c'est واضح. نعم, فالإكثار في الكلام في هذا الباب, باب الهجرة بدون عناية بالأصل, لا يفيد. بل ربما يخذل صاحب الكلام الكثير. نعم, فالموفق من اعتنى بقلبه وعمل بعلمه. هذا هو الموفق. C'est celui qui donne beaucoup d'importance à la base. Comme on a étudié wallahi alhamd au début du livre, la base c'est le cœur, c'est la sincérité, c'est al-aqida sahiha. Al-muwaffaq c'est celui qui fait beaucoup d'efforts fi hada. Il ne parle pas beaucoup. C'est pour ça que tu trouves ba'd al-ikhwan wallahi alhamd, tu les entends presque jamais parler. Du jour au lendemain, tu apprends qu'ils ont fait la hijra. Et d'autres, tu les entends beaucoup parler. Et ربما critiquer certains, mais Fulan il est revenu, Fulan il a pas fait. Et huwa ka'annahu, il est pas concerné. Huwa il regarde que les autres. On doit s'apprendre, on doit apprendre plutôt, on doit s'éduquer à ne pas regarder que les autres. Là, tu regardes les autres pour tirer des leçons et kadhalik pour conseiller. Amma regarder les autres et da'iman Fulan il a fait, Fulan il a pas fait, Fulan il est bien, Fulan il est pas bien. Et tu t'oublies un de ça, c'est pas min at-tawfiq. قال ابن القيم رحمه الله لا إله غيره ولا رب سواه. هذه فوائد هذا الفصل. نعم, فالذي كما قلنا يعتني بهذا الأصل العظيم فبإذن الله عز وجل سيوفق للهجرتين. Celui qui met en application ces conseils qu'on a lus dans les deux chapitres précédents, bi'idnillahi azza wa jal, il arrivera à faire les deux hijras. La hijra du cœur, c'est la base. Il y aura des efforts pour apprendre, pour mettre en application, pour s'écarter du haram, etc. Et كذلك, il mettra en application cette ibada azim, al-hijra, et délaisser bilad al-kufr pour bilad al-islam. أما ما يظنه كما تقدم معنا بعض الغافلين أو الجهال أن الهجرة أي بالبدن سببها الأعظم سلمال، فهذا لا شك أنه من الخذلان ومن الجهل وكذلك من عدم التوفيق. Celui qui pense que la hijra, avec le corps, de laisser Bilal Kufr pour se déplacer, pour émigrer vers un Bilal musulman, celui qui pense أن هذا la cause, c'est que l'argent, فلا شك أنه ما وفق. Pourquoi ? لأنه il aurait étudié, il aurait lu هذا الكلام الجميل d'Ibn al-Qayyim رحمه الله في التبوكية, il aurait compris très très vite أن la base c'est le cœur. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال فصل: وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه. هذا الفصل dans ce chapitre الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ديتاي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة إلى الله تقدمت معنا avec le cœur, أي délaisser tout ce que Allah سبحانه وتعالى déteste et lui obéir avec le cœur, avec la langue, avec les membres, etc. Et كذلك il y a une hijra plus spécifique avec le corps, se déplacer d'un endroit qu'Allah déteste pour un endroit qu'Allah سبحانه وتعالى il agrée. هذا والليل هم تقدم. أما هذا الفصل c'est الهجرة إلى رسول الله. Et comment faire la hijra auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال: ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها فسالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي ونات. هذا الكلام الجميل ابن القيم رحمه الله أراد منه أن ست هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم le fait de faire la hijra auprès du prophète صلى الله عليه وسلم la plupart des gens ils l'ont délaissé. فلهذا قال فسالكها غريب بين العباد. Celui qui fait la hijra auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera étranger. Il sera considéré comme étranger même au sein de sa propre famille. Au sein de sa propre ville, de son propre quartier, de son propre pays. Ka'annahu, il est gharib. Ka'annahu, il est étranger. C'est comme s'il ne parlait pas la même langue qu'eux. C'est comme s'il n'avait pas eu la même éducation qu'eux. Il n'a pas les mêmes objectifs qu'eux. فلهذا قال فريد من كل حي وناد بعيد على قرب المكان. Même s'il est proche d'eux, ربما il vit avec des personnes dans la même maison et ils sont très très éloignés. Pourquoi ? لأنه هو il a décidé, il fait des efforts pour suivre هذا المنهج العظيم, أي suivre la voie du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est ça la hijra إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est le fait de le suivre, suivre sa sunna, obéir à ses ordres, délaisser ce qu'il nous a interdit, alayhi salatu wasalam. Fahada, celui qui suit cette voie, il sera étranger. Ka'annahu, il ne parle pas le même langage que les autres. Qala, wahidun ala kathratil jiran. Il sera seul, considéré comme seul, même s'il est entouré. Robama, il a une énorme famille, Robama, il a beaucoup de voisins, il a beaucoup de connaissances, lakin, c'est comme s'il vivait seul. وحيد على كثرة الجيران. نعم. Et من كان هذا حاله, il ne doit pas désespérer. ففي الحقيقة, tu n'es pas seul. Si tu as suivi ou décidé de suivre cette voie, et tu fais des efforts, tu fais des sacrifices, فاصبر. إن الله مع الصابرين. فتu n'es pas seul. Allah سبحانه وتعالى معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله سبحانه وتعالى il est avec toi. لأن التقوى c'est le fait d'adorer Allah عز وجل seul et de suivre النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فتu n'es pas seul. كذلك Tu suis la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu aimes cette voix et tu aimes ses compagnons radiyallahu anhum. Wal mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyamah. Et tu seras avec ceux que tu aimes yawm al-qiyamah. Fa tu n'es pas seul. Fa lihada ba'd as-salaf kanu yaquloun minhum al-fudayl ibn Iyad rahmatullah alayhi كان يقول لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. Ne sois pas désespéré. Tu te sens seul. حتى ça te pousse à avoir des mauvaises pensées. لماذا من قلة السالكين. أي ceux qui suivent ce chemin, la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, ils sont très très peu. Ça ne doit pas te pousser à désespérer. كذلك لا تغتر بكثرة الهالكين. Ne te fais pas avoir. Tu penses, elle n'a vu que beaucoup de monde, ils font telle chose. Beaucoup de gens, ils ont délaissé cette voie et ils font autre chose. Donc, peut-être qu'ils ont raison. Ou peut-être que tu as tort. Ou peut-être que tu exagères. Ihdhar, tu es fini. Tant que tu suis la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fa'alam anna Allah subhanahu wa ta'ala arada bika khayran. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ton bien. Allez, hada est ta facilité de suivre la meilleure des personnes, alayhi salatu wassalam. Qala mustawhishun mimma bihi yasta'nisun. Mustanisun mimma bihi yastawhishun. Et les choses que, inda kathir min al-nas, chez la plupart des gens, c'est devenu normal, anta ça te dérange. Et c'est normal. Mathalan, tu prends beaucoup de masa'il qu'on vit l'an, certaines personnes, ils ont l'habitude de faire certaines choses et c'est du haram. Toi, ça te dérange. لماذا لأنك تسوي هذا الطريق ومستأنس مما به يستوحشون. Et certaines choses qui dérangent les gens. Et les gens, ils font tout pour s'écarter de ces choses. Anta, tu aimes cette chose et tu fais tout pour la faire. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la sunna de notre prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. Et il y a beaucoup d'exemples في هذا. قال مقيم إذا ضعنوا ضاعن إذا قطنوا. مقيم إذا ضعنوا. أي, tu es résident quand eux ils voyagent. Et tu voyages quand eux ils sont résidents. هذا الكلام الجميل, c'est pour montrer anna tu suis une autre voie qu'eux. Vous êtes les deux robama résidents, bel vous vivez dans la même maison, lakin anta tu es en voyage et huwa il est résident et vous suivez pas la même voie. قال منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بأربه. قوله منفرد في طريق طلبه هذا والله الحمد تبع على الإطلاق. فالخير موجود, خير موجود. Ça dépend des endroits. Dans des endroits, il y a beaucoup de gens qui suivent le sunnah والله الحمد et qui suivent la vérité. Dans d'autres endroits, beaucoup moins. Dans d'autres endroits, très très peu. Tu peux trouver واحد qui est à la sunnah. على كل حال الإنسان il est على خير tant qu'il suit الحق. قال فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده. As-Sunni, tu le trouves qui vit avec Haoula. Et malgré, il y en a dans certains cas, tu n'as pas le choix. Des membres de ta famille, de ton pays, ils sont ignorants, ils sont attirés par Dunya, ils ont délaissé l'ilm, etc. Enfin, anta, tu vis avec eux, avec ton jasad, ton corps, il est avec eux. Et ton âme, ton cœur, il est autre part. Qala, namat fi talab al-huda a'yunuhum, wama laylu matiyihi bina'imi. قال وقعد عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم. هم ils ont délaissé cette voie. Beaucoup de gens ils ont délaissé cette voie. Et c'est clair ce qu'on voit tous les jours. Beaucoup de gens ils sont attirés par dunya. Beaucoup de gens ils ont des projets etc. que sur dunya. Et pardon, ils ne pensent pas au ilm, ils ne pensent pas à suivre le Nabi صلى الله عليه وسلم. بل ils sont étonnés quand ils voient واحد faire des efforts. Mathalan, quand ils s'aperçoivent que واحد il fait des efforts fil ilm ou l'amal, la première chose qu'ils disent, mais pourquoi t'exagères? Pourquoi tout cela? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi tu ne travailles pas dans tel endroit? Etc. La tartar, accroche-toi. Accroche-toi et patiente. Qala, ya'ibunahu bi mukhalafati ara'ihim wa yuzurun alayhi izra'an ala jahalatihim wa ahwa'ihim. Wa hadha la budda minhu. يعيبونه بمخالفة آرائهم. Quand tu les contrediras, ils te critiqueront. Pourquoi? Les annahum, ils n'ont pas les mêmes fondements que toi. Anta, en tant que sunni, en tant que mu'min, en tant que croyant qui il veut faire des efforts pour suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et appliquer cette hijra, tu as une base claire, c'est Al-Qur'an ou Al-Sunnah. Enfin, tout ce que le Coran ou le Sunna, ils nous ont autorisé, on l'autorise. Tout ce que le Coran et le Sunna, ils nous ont interdit, on l'interdit. Vu que Bardanaz, ils ont plus Hadha al-Mizan al-Azim, si tu les contredis, ils vont t'accuser. La première chose qu'ils vont dire, dans notre pays, on fait pas comme ça. Thumma ba'dhum, ils vont dire, mais pourquoi les gens, ils ne font pas? Ba'dhum, ils vont dire, mais nos parents, nos grands-parents, ils ne faisaient pas cette chose. Anta, tu n'as pas ces bases. Pourquoi les annakat, tu suis une voie claire? Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha. La yaziru anha illa halik. Toi, tu suis hadhihi al-mahajja, et cette voie claire, de nuit comme de jour. قال ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم. نعم قوله يزرون وإزراء أي سأسمبل يعيبون ويعاتبون أي أنهم دائما ils ne sont pas d'accord avec lui, دائما ils le critiquent. قال قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون. هذا مجرب أن كنت هذا السني il ne fait pas comme les autres. Et son mujtama', l'endroit où qu'il vit, il s'aperçoit très très vite qu'il n'est pas comme eux. Il ne pense pas comme eux, il ne réagit pas comme eux. Il a des autres objectifs qu'eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Directement les accusations. Al-dhunun, ils ont des mauvaises pensées envers lui. Wa hadha la yajouz. La yajouz est as-sadiq, sahib al-haq, même s'il n'est pas d'accord, il montre. Vous avez remarqué que akthar an-nas, ils ne montrent pas. Là, ils parleront sur ton dos et ils auront une image fausse de toi, les malades, à cause de leur ignorance et à cause de Shaitan. Et كذلك à cause de eux, d'eux-mêmes. قال واذكوا عليه العيون. Tout ce qu'il fait, انهم pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu as fait cela. معروف هذا السني, s'il fait une chose, tu trouves كثير من الناس ils lui reprochent. Si c'est un autre, ils disent rien, c'est normal. لا تبالي. النصيحة, c'est ne fais pas attention. قال ابن القيم رحمه الله وتربصوا به ريب المنون فتربصوا إنا معكم متربصون قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. C'est pour ça qu'il a cité ces versets rahmatullah alayhi. Hey, ne fais pas attention. قال ربي احكم بالحق. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala يحكم بالحق. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te secourt si certains ils essayent d'être injustes envers toi, ils t'accusent, ils se moquent. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te préserve contre leur mal. قَوْلُهُ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Ça montre التوكل على الله. Allah المستعان أي تستعين بالله. هؤلاء ولو اجتمعوا إنسهم وجنهم أي ces mauvaises personnes s'ils se rassembleraient avec les djinns mauvais, الشياطين, pour te faire du mal, ils ne pourront te faire du mal que si Allah subhanahu wa ta'ala y veut. فَتَوَكَّلْ عَلَى الرَّحْمَنِ وَاسْتَعِنْ بِالرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلْ. Et tu seras عَلَى خَيْرِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ نَحْنُ وَإِيَّاكُمْ نَمُوتُ وَلَا أَفْلَحَ عِنْدَ الْحِسَابِ مَنْ نَدِمَ. هذا كذلك, ce vers de poésie, il va بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ te renforcer. نَحْنُ وَإِيَّاكُمْ نَمُوتُ وَلَا. On mourra tous. Ceux qui se moquent et celui qui reçoit ses moqueries, qui subit ses moqueries. L'injuste est celui qui subit l'injustice. نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. Et celui qui regrettera le jour des comptes, هذا, il ne réussira pas. هذا, ça te montre quoi, Anta, en tant que mu'min, en tant que sunni qui veut faire des efforts pour appliquer hadi l'hijra et suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pense toujours qu'il y aura un compte, ou il y aura un jour où tout le monde rendra des comptes. Si tu as subi des injustices, ne désespère pas, ne perds pas tes moyens, garde ton calme. Un jour, le jour des comptes, bi'idnillahi azza wa jal, cette injustice, elle sera réparé. قال والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد. المقصود أن cette hijra, ce chemin que tu as décidé d'emprunter, et ce chemin, c'est ce voyage qu'on a cité auparavant. Et depuis que tu as connu la vérité, wallahi alhamd, et tu espères suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ta mort, هذه الهجرة شديدة. Elle est difficile. وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد. نعم، أما celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui aime Rasul alayhi salatu wa salam, celui qui connaît c'est quoi son objectif, il a un but, c'est Al-Jannah, c'est qu'Allah soit satisfait de lui, c'est d'être en compagnie de Ha'oula al-Akhyar, Yawm al-Qiyamah fil Jannah, et le prophète alayhi salatu wa salam, ses compagnons radiyallahu anhum, les imams de la Sunna, et tous les croyants qui les ont suivis, bi-idhnillahi azza wa jal, tu vas t'accrocher. قال بعيد على كسلان أو ذي ملالة وأما على المشتاق فهو قريب. ثم il a cité ce vers de poésie. Ce chemin, صحيح, il est très difficile et il est très très lointain. لكن pour qui؟ على كسلان أو ذي ملالة. الكسلان c'est صاحب الكسل, celui qui ne fait pas d'effort. نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم pour l'emprunter ça demande des sacrifices. Ça demande des efforts. Ça demande du ilm et de la mise en application. Amma al-kaslan, là, il va beaucoup parler. Je vais faire, je dois faire, et il ne mettra pas en application. Qal awdi malalatin. Al-malal, c'est se lasser très vite. Ba'danna sahih, ils se lassent. Ils ont commencé à suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakin, un tel il est critique. Obama, avant, ils trouvaient du travail facilement, ils trouvent beaucoup moins de travail, de la pression chez eux, de la pression dans la rue. Thumma, au bout d'une semaine, un mois, un an, et ils lâchent. Ihdhar min hada, ihdhar min al-malal. Et les causes de hada al-malal, c'est ce qui contredit les causes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'insan, il lit pas le Coran, il apprend pas sa aqida, il fait pas des efforts dans l'ilm, etc. قال وأما على المشتاق فهو قريب. المشتاق, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime le Rasul alayhi salatu wa salam, qui aime din Allah, حق المحبة, avec une mahabba قوية, فهذا بإذن الله عز وجل, ça sera beaucoup plus facile pour lui. Et le موفق من وفقه الله. Celui qui réussira, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il facilitera. ثم قال رحمه الله ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ ولكن أنت ظلامه وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه. قتامه أي الغبار. هنا رحمه الله إلى استهدى الكلام الفصيح pour montrer أن la voie elle est claire et elle est très facile. لكن c'est nous أحيانا qui compliquons les choses. فلهذا قال ما هي إلا نور يتلألأ ولكن أنت ظلامه. La sunna du prophète sallam, c'est une lumière. C'est nous, ahiyanan, qui faisons des choses qui assombrissent at-tariq. قال وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها. C'est كذلك, c'est comme la lune. La lune, les jours de pleine lune, qui illumine la terre. ولكن أنت غيمه وقتامه. ولكن ahiyanan, c'est nous qui empêchons cette lumière avec de la poussière, avec certaines choses. Et les péchés, et l'insouciance, et ad-dunya. قال ومنهل المنهل أي عين الماء أي une source d'eau pure. عذب صافي ولكن أنت كدره. La sunna du prophète عليه الصلاة والسلام c'est comme le soleil, c'est comme la lune, c'est comme une source d'eau. لكن بعض الناس ils font tout pour cacher ce soleil, بعض الناس ils font tout pour cacher cette lune, وبعض الناس ils font tout pour salir cette eau. وإلا celui qui veut profiter de du soleil, de la lune et de cette eau pure, بإذن الله عز وجل il profitera. قال ومبتدأ له خبر عظيم ولكن ليس عندك خبره. هكذا il a donné cet exemple في النحو أن الشك مبتدأ إلى خبر. مثلا محمد قائم مبتدأ إلى خبر. فالشك مبتدأ إلى خبر. فمبتدأ له خبره خبر عظيم. cette sunnah c'est un مبتدأ إلى خبر عظيم ولكن ليس عندك خبره. لكن أحيانا سنوك ونعرف بعده الخبر. قال فاستمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها وحاسب نفسك بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها. ثم رحمه الله avant de détailler هذه الهجرة في هذا الفصل il a cité 10 versets du Coran al-Karim, 10 versets qu'il a expliqué في هذا الفصل الطويل. Et c'est une grande partie du livre, 10 versets pour expliquer cette hijra ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de lui obéir et de le suivre. فقال رحمه الله فاستمع أو فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها. أي إكوت إسوا أتنتف رحمه الله. يبقى ديكخيخ ست هجرة وحاسب نفسك بينك وبين الله. إيه سا سي امبوغتون. محاسبة. دائما حاسب نفسك قبل أن تحاسب. Viendra un jour où on rendra des comptes. Viendra un jour où Allah subhanahu wa ta'ala il nous demandera est-ce qu'on a suivi un Nabi alayhi salatu wa sallam am la. Ça commencera dans la tombe. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Viendra un jour où on sera interrogé. Fahasib nafsak baynaka wa bayna Allah. Tu n'as pas besoin d'informer quiconque. Baynaka wa bayna Allah. Où en es-tu dans l'ilm? Où en es-tu dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où en es-tu dans les obligations? Où en es-tu par rapport au haram? Est-ce que tu as délaissé le haram? Hasib nafsak. Les manquements que tu as, et tu auras des manquements, et on a tous des manquements, fais tout pour les corriger. Hada, c'est ça, at-tawfiq. Et c'est ça, une des bases du suivi du prophète, alayhi salatu salam, c'est de connaître son neuf, se remettre en cause, se remettre en question, et se corriger. Qala, wa hasib nafsak baynaka wa bayna Allah, hal anta min al-muhajirin laha, aw al-muhajirin ilayha. تأمل هذا الكلام. Est-ce que tu fais partie de ceux المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ المهاجرين لها c'est ceux qui la délaissent. On dit مثلا فلان هجر القرآن. هجر القرآن c'est le fait de le délaisser, ne plus le lire, ne plus l'apprendre, etc. Donc est-ce qu'on fait partie de ceux qui ont délaissé la sunna المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ أو on fait partie de ceux qui ont fait le hijra il a sunna, ay, ceux qui suivent le Nabi alayhi salatu wasalam. Tu as deux cas. Imma muhajirun li sunna, le fait de la délaisser, yadam billah. Imma muhajirun ilayha, le fait de suivre le Nabi alayhi salatu wasalam. On doit tous se poser cette question. Et kullu wahid ya'rif qadra nafsi. Et min rahmatillahi azza wa jal, anna tant que tu es vivant, akhil karim, fa bab at-tawba il est maftouh. Les manquements que tu as eu, c'est passé. فتوب إلى الله عز وجل أبخن مثل هذا الكلام العظيم واستفد من هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه on fait tous des efforts pour se corriger et pour s'entraider وتعاونوا على البر والتقوى et le prochain درس بإذن الله عز وجل on continuera la lecture de هذا الفصل الجميل والحمد لله on passe à notre درس suivant بإذن الله عز وجل